Vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec une personne à qui vous ne parlez pas ou que vous refusez d'écouter. C'est dans la prière que Dieu se révèle. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Il est écrit dans Jacques 5, verset 16, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Vous êtes-vous déjà demandé comment ce verset pouvait être vrai? Si Dieu sait tout, voit tout et contrôle tout, quelle influence peuvent avoir nos prières? Il est vrai que Dieu sait déjà tout ce qui va se produire. Cependant, ces questions sont légitimes et honnêtes. Or, si elles vous empêchent de prier de façon constante, demeurez à l'écoute. Charles Stanley va traiter de ces questions afin de vous encourager à prier quotidiennement avec diligence. Puissions-nous apprendre à prier avec ferveur. Le message d'aujourd'hui est une réflexion qui répond à la question « Est-ce que la prière influence Dieu? » Voici Charles Stanley. Est-ce que la prière influence Dieu? Oui ou non? En répondant à cette question, je veux aussi répondre à quatre questions entreposées dans notre tête. Lorsque nous prions, elles remontent parfois à la surface. Lorsqu'elles le font, elles sèment du doute dans notre esprit, alors que notre Père céleste veut que nous venions à lui avec confiance, assurance et audace. J'aimerais que nous lisions un passage bien connu du Sermon sur la montagne. Allons au verset 7 du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Nous y trouvons des paroles simples qu'a dites Jésus au sujet de la prière. Cependant, malgré cela, beaucoup de personnes croient qu'elles n'ont qu'à demander et qu'elles recevront. Pourtant, il ne faut pas oublier un détail important. La pureté de notre cœur influence la réponse de Dieu à nos prières. Lisons à partir du verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus pose la question au verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà le genre de Dieu qu'il est. Il est un Dieu bon qui désire donner de bonnes choses à ses enfants. Je désire maintenant répondre aux quatre questions. Il arrive que ces questions nous causent un problème. Ces questions nous amènent à nous demander s'il est utile de prier ou pourquoi nous devrions prier. Prêtez attention à ce que je m'apprête à vous expliquer, car je désire que vous entendiez ce que je dis et non ce que vous pensez que je dis. Première question. Dieu est omniscient et il connaît tous mes besoins. S'il les connaît déjà, alors à quoi sert de lui en parler? Réglons un détail immédiatement. Nous ne lui présentons pas nos besoins dans le but de le renseigner. Nous ne venons pas en effet lui annoncer une nouvelle. Nous devons donc le prier même s'il connaît nos besoins avant que nous ne lui en parlions. Pourquoi le ferions-nous? En le faisant, nous honorons Dieu. Car nous reconnaissons qu'il a les ressources pour combler tous nos désirs et tous nos besoins. Si nous ne lui en parlions pas, nous tiendrions tout pour acquis. Lorsque tout va bien, nous arrêtons-nous vraiment pour dire merci à Dieu? C'est lorsque nous sommes malades que nous pensons à prier Dieu au sujet de notre santé. C'est alors seulement que nous le remercions parce que nous l'avons recouvré. Nous pensons à prier à propos de notre domicile ou de notre automobile lorsqu'il nous cause des problèmes. Aussi, quand nos problèmes sont réglés, nous pensons à remercier Dieu. Il en est de même pour nos amis. Nous pensons à prier Dieu à leur sujet lorsque nous les perdons. Dieu veut que nous le prions, car c'est ainsi que nous démontrons que nous savons qui il est et qu'il est notre ressource. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Citation de Jacques, chapitre 4, verset 2. Ce n'est pas parce que Dieu connaît vos besoins qu'il va les combler. Si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas. Pourquoi ne demandons-nous pas? Nous tenons Dieu pour acquis, ou alors nous sommes trop orgueilleux pour le faire. En ne demandant pas, nous disons à Dieu que nous ne lui faisons pas confiance et que nous ne voulons pas le déranger. Nous lui disons qu'il ne s'intéresse pas aux petites choses de la vie. Si vous désirez une réponse au sujet de quelque chose, cela intéresse Dieu. Si vous avez besoin de sagesse ou d'une direction claire, Dieu s'y intéresse. Dieu s'intéresse à vos besoins financiers, physiques, matériels, relationnels. Il s'intéresse à ce qui se passe dans votre vie. Le fait qu'il connaisse nos besoins n'excuse en rien notre manque de prière. Cela ne constitue pas une raison valable de ne pas prier. Deuxième question. Si Dieu a prédéterminé ce qu'il ferait dans une certaine situation, alors, pourquoi devrions-nous prier? Cela semble être une perte de temps. Cependant, il y a deux bonnes raisons pour lesquelles nous devrions prier même si Dieu a prédéterminé ce qu'il ferait dans une situation. Voici la première raison. Lorsque nous commençons à prier, Dieu va nous toucher afin que notre volonté et nos désirs correspondent aux siens. Il peut agir avec gentillesse, patience et douceur. Il peut agir rapidement ou prendre son temps. Quoi qu'il en soit, notre volonté sera en harmonie avec la sienne. Lorsque nous lui demanderons de faire quelque chose, ce sera conformément à sa volonté. Nous voudrons ce qu'il veut. Il n'y a pas de paix là où il n'y a pas d'harmonie. Nous ne pouvons pas goûter la paix de Dieu si nous ne sommes pas en harmonie avec lui. Premièrement, supposons que votre meilleur ami soit très malade. Est-ce que Dieu sait ce qu'il fera dans ce cas? Certainement. Alors, pourquoi prier Dieu s'il a déjà pris une décision? Eh bien, vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Deuxièmement, supposons que Dieu ait l'intention de rappeler votre ami à lui. Puisque Dieu sait ce qu'il va faire, pourquoi le prier? Lorsque Dieu nous touche afin que notre volonté soit en harmonie avec la sienne, il va nous préparer aux événements futurs et il nous rendra conscients de sa présence lorsque nous traverserons la période difficile. Nous conserverons notre paix malgré l'épreuve. Voici la deuxième raison. Dieu sait ce qu'il fera, mais il veut que nous prions car nous sommes l'instrument qu'il a choisi pour accomplir son plan ou régler le problème. Revenons à l'exemple de notre ami malade. Dieu a déposé un fardeau dans notre âme et nous prions pour sa guérison. Au début, nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu, mais à mesure que nous prions, nous devenons de plus en plus convaincus. Nous avons la foi et nous savons, dans notre cœur, que Dieu veut le guérir. Voyez-vous, Dieu vous utilise comme instrument. Pourrait-il se passer de vous? Certainement. Cependant, il vous utilise. En procédant ainsi, Dieu est glorifié. Notre foi est affermie et nous sommes motivés à prier davantage, plus fidèlement et plus souvent au sujet de différentes situations ou de différentes circonstances. Ce n'est pas parce que Dieu a prédéterminé ce qu'il ferait que nous ne devons pas prier. Dieu travaille en collaboration avec nous. Il nous emploie pour faire de nombreuses choses. Cependant, il peut se passer de nous. Par exemple, il pourrait proclamer l'Évangile dans le monde entier sans notre aide ou notre collaboration. Cependant, il a choisi de le faire par la prédication de l'Évangile, les chants chrétiens, la Bible et d'autres moyens. Il a choisi cette méthode pour amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Comment nous implique-t-il dans tout cela? Certains sont appelés à combattre dans la prière, d'autres à prêcher, d'autres à enseigner. Qui a le rôle le plus important? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Tous les rôles sont importants aux yeux de Dieu. Par exemple, aucun fermier ne peut faire croître une récolte. Il peut labourer le sol et l'ensemencer. Cependant, qui décide s'il y aura une récolte? C'est Dieu. Est-ce que Dieu pourrait faire cela sans le fermier? Certainement. Cependant, il utilise toujours les agriculteurs. Aucun fermier n'a pu admirer une moisson dans son champ s'il est resté assis à la maison sans rien faire. Dieu a choisi de nous utiliser comme instrument. c'est un aspect étonnant de la prière que nous oublions souvent. Troisième question. Est-ce que l'accomplissement des décrets éternels de Dieu dépend de nos prières? D'abord, quel est le décret éternel de Dieu? C'est ce que Dieu a planifié de faire avant la création du monde. Dieu va accomplir certaines choses, qu'importe ce qui arrive. Que l'on prie ou non, il va les accomplir. Par exemple, il a choisi Abraham, Isaac, Jacob, ses 12 fils et la nation d'Israël. Dieu a choisi ce peuple. Qu'importe ce qui se passe dans le monde, qu'importe combien de conciles se réunissent, qu'importe le nombre de guerres, ce que Dieu a décrété pour Israël se produira. Nos prières n'ont donc aucun effet sur les décrets prédéterminés par Dieu et qui ne sont sujets à aucune condition. Certaines choses sont conditionnelles. Par exemple, Dieu a dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dieu a promis de guérir son pays à condition que le peuple se repente, à condition qu'il prie. Cependant, certaines choses se produiront coûte que coûte, et les prières n'auront aucun effet sur la décision de Dieu. Nos prières n'influencent absolument pas les décrets de Dieu. Celui-ci accomplira son plan. Or, là n'est pas le problème. Quelles seront les conséquences si nous ne prions pas au sujet des décrets éternels et prédéterminés de Dieu? Nous sommes responsables de notre vie. Et si nous ne prions pas au sujet de ce qui nous concerne, il y aura des conséquences. Nous tombons dans le péché, nous nous décourageons, nous devenons déprimés, nous ne portons plus de fruits. Notre vie n'a plus l'impact qu'elle devrait avoir. Pourquoi? Parce que la prière nous maintient connectés à Dieu. La prière se compare à une ligne de transmission à haut voltage. Là où les chrétiens prient, la puissance de Dieu se manifeste. Par contre, sans prière, Dieu ne déploie pas sa puissance. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous rechutez toujours dans le même péché. Pourquoi vous êtes incapable d'accomplir certaines choses. Pourquoi vos sermons sont sans effet. Pourquoi votre témoignage est inefficace. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je vais vous poser une question très simple. Combien de temps passez-vous avec le Père Céleste à chercher sa sagesse et ses directives? Combien de temps prenez-vous pour solliciter sa puissance? Combien de temps consacrez-vous à l'écouter et à chercher sa pensée dans les Écritures? Vous avez besoin de sa puissance pour fonctionner, et sans prière, la ligne de transmission est coupée. Nous court-circuitons la ligne de transmission lorsque nous entretenons des doutes. Pourquoi? Est-ce que je devrais prier, puisque Dieu sait tout et puisqu'il a tout déterminé d'avance? Cela fait une grande différence, car nous sommes responsables de notre vie, de nos actions ou de notre passivité. Peut-être n'aimez-vous pas vous faire dire que vous devriez prier. J'en suis désolé. Jésus a dit que nous devons prier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1. Ne reculez pas devant les difficultés. Ne démissionnez pas si ça ne va pas comme vous aimeriez. Ne vous impatientez pas et ne cessez pas de prier parce que le calendrier de Dieu ne correspond pas au vôtre. Dieu transforme notre vie. Il veut entretenir une relation avec nous afin que nous soyons un instrument à travers lequel il pourra transmettre sa puissance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit qu'il voulait connaître la puissance de la résurrection, la même puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance qui a accompagné Jésus pendant toute sa vie. Paul dit qu'il voulait que cette puissance agisse dans sa vie. Désirez-vous fonctionner avec la puissance de Dieu? Alors, connectez-vous à lui. Par la prière, la puissance divine sera derrière tout ce que vous entreprendrez. Vous éprouverez une paix, une joie et du contentement. Dieu vous utilisera pour faire du bien à d'autres. Désirez-vous être utilisé par Dieu? Alors priez. Voici comment vous devez prier. vous devez lui demander de vous rendre utilisable. Dieu entend ce genre de prière et il se mettra à l'œuvre dans votre vie. Vous avez donc un choix. Vous pouvez vivre égoïstement et ne penser qu'à votre personne. Réfléchissez à ce qui s'est produit dans le passé. La Bible dit que Dieu essuiera toutes nos larmes au ciel. Qu'est-ce qui pourrait nous faire pleurer au ciel? Je ne peux rien prouver, car personne ne sait exactement ce qui se produira au ciel. Cependant, je soupçonne que nous verrons tout ce que nous aurions pu faire, ce que nous aurions pu être, ce que nous aurions pu accomplir ou l'influence que nous aurions pu exercer dans la vie des gens. Nous pleurerons parce que nous aurons accompli si peu. C'est ce qui pourra nous faire pleurer lorsque nous comparaîtrons pour recevoir nos récompenses. Quatrième question. Est-ce que Dieu change d'idée à cause de nos prières? Pour répondre à cette question, examinons un texte biblique, soit Exode 32, les versets 9 à 12. Moïse était sur le mont Sinaï où Dieu lui remit les tables de la loi. Pendant ce temps, le peuple s'était adonné à l'idolâtrie parce que Moïse tardait à revenir. Or, Dieu avait tout vu. Il dit à Moïse, « Car ton peuple s'est corrompu. » Exode 32, verset 7. Lisons à partir du verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Moïse implora Dieu, et voici la prière qu'il fit. » Verset 11. « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Rappelle-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au verset 14, la Bible dit, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Est-ce que cela signifie que je peux me présenter devant Dieu lorsqu'il a pris une décision et le faire changer d'idée? Non. Réfléchissez à cela. Qui a placé un fardeau pour le peuple de Dieu sur le cœur de Moïse? C'est Dieu. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a vu la corruption dans le cœur du peuple et il a vu ce qui se passait. Le peuple faisait la fête en vénérant un veau d'or qu'il s'était fabriqué. Il se prostituait avec un Dieu qui ne l'avait pas libéré d'Égypte. Dieu avait donc annoncé qu'il allait punir le peuple en l'exterminant. Or, Moïse l'avait supplié de ne pas faire cela. Dieu avait en effet placé un fardeau sur le cœur de Moïse pour le peuple, et Moïse éprouvait une très grande compassion pour la nation d'Israël. C'est pour cette raison que Moïse supplia Dieu de donner une autre chance au peuple. Dieu accepta la demande de Moïse et revint sur sa décision. À la lumière de cet exemple, il ressort que trois choses demeurent immuables. Le caractère de Dieu ou ses attributs, son plan ou son décret éternel et ses promesses. Ces choses-là ne changeront jamais. Dieu connaissait l'état spirituel du peuple. Il avait disposé le cœur de Moïse à prier pour ce peuple. Est-ce que Dieu savait ce qu'il ferait? Oui. Que s'est-il produit alors? Moïse a aimé son peuple et il a eu de la compassion pour lui. Il a vu qu'il se corrompait et il a fait périr 3000 personnes. Parfois, nous nous présentons devant Dieu et nous lui demandons de faire ceci ou de faire cela. Qu'est-ce que nous découvrons alors? Dieu savait depuis le début quelle était la meilleure chose à faire. Dieu avait entendu la prière de Moïse. Et parce qu'il est le Dieu de grâce, il a honoré la requête de Moïse qui avait intercédé pour le peuple. Cependant, Dieu a accompli sa volonté et il a fait périr ceux qui corrompaient le peuple. Est-ce que nous pouvons prier et faire changer Dieu d'idée? N'essayez pas de faire cela. Ce que Dieu a choisi de faire, il l'accomplira. Est-ce que nos prières ont une influence? Oui. Cependant, Dieu ne change pas d'idée, mais il réagit à notre prière selon la situation et selon sa sagesse infinie. Nous ne convainquons donc pas Dieu. Nous ne convainquons pas Dieu de répondre à notre prière. Il est disposé à y répondre. Nous nous plaçons dans une position où il peut librement nous accorder ce que nous désirons. Nous ne prions pas pour lui demander de modifier ses décrets. Nous lui demandons de s'occuper de choses dans notre vie personnelle, de choses dont il a choisi de s'occuper, c'est-à-dire de tout ce qui nous concerne. Si nous venons à lui avec un cœur pur et que nous désirons lui obéir, il nous la révélera. Il accomplira son plan. Nous serons en harmonie avec sa volonté et son plan si ce n'est pas ce que nous désirons au début. Il comblera les désirs et les besoins de notre cœur à cause de qui il est. Nous avons un Père céleste qui nous aime et qui est bon et tout-puissant. Il nous aime inconditionnellement et il est bienveillant envers nous. Est-ce que prier compte pour quelque chose? Certainement. Cela fait toute une différence si nous prions ou non. Est-ce que cela fait une différence si nous prions pour nous ou non? Oui. Est-ce que cela change quelque chose si nous prions pour nos amis? Oui. Qu'en est-il des personnes que nous ne connaissons pas? La réponse est toujours oui. Dieu nous aime à ce point. Il est disposé à nous utiliser pour que nous exercions une influence sur la vie de quelqu'un. Que faisait Dieu avant que vous acceptiez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel? Il répondait à la prière de quelqu'un qui désirait qu'une personne soit sauvée. C'est cela, la grâce de Dieu. Nous pouvons prier. Père céleste, nous sommes reconnaissants parce que nous avons le privilège de pouvoir te parler et que tu nous écoutes. Comparé à toi, nous sommes encore moins qu'une mouche ou une fourmi. Cependant, tu nous as appelés à être tes enfants. Tu nous as déclaré être notre Père. Tu nous as dit que tu voulais combler nos besoins et nous guider. Tu nous as affirmé que tu voulais nous faire croître spirituellement et nous transformer à l'image de ton Fils. Tu nous as dit que tu voulais nous utiliser afin que nous portions du fruit et que nous soyons des citoyens productifs de ton royaume. Tu as promis de venir nous chercher un jour et de nous récompenser. Nous te remercions parce que tu es un merveilleux Père céleste. Seigneur, puisses-tu nous enseigner à mieux prier et à persévérer dans la prière et la méditation de la Bible? Puissions-nous tout faire en étant connectés à toi, c'est-à-dire sous l'influence d'une relation intime et personnelle avec toi. Donne-nous un cœur toujours disposé à tout faire par ta puissance et non par nos propres forces. Seigneur, nous te prions aussi pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas l'assurance qu'ils seront avec toi au ciel pour l'éternité. Nous te prions afin que tu touches leur cœur, que tu les attires à toi, qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus par la foi. Au nom de Jésus, amen. Si vous désirez recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, faites avec moi cette prière. Dieu entend toutes les prières faites sincèrement. Prions. Seigneur, je reconnais être un pécheur. Je sais aussi que ta parole dit que je peux être sauvé gratuitement par ton Fils Jésus-Christ, qui a accepté de prendre sur lui la punition que je mérite pour mes péchés. Il a donné sa vie en rançon pour moi, et j'accepte ce précieux cadeau du pardon de mes péchés et de la vie éternelle. Merci pour ton précieux cadeau. Je te loue, Seigneur, pour ton si grand amour. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aide-moi à grandir spirituellement maintenant. Fais de moi une personne de prière, un chrétien mûr et un serviteur fidèle, un intercesseur pour mes amis et pour les gens de ma famille. Merci d'habiter en moi par ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que cela fait une différence lorsque nous prions? Charles Stanley nous a répondu oui à cette question. Vos prières exercent une influence sur les autres et elles vous affectent profondément. Harcelez Dieu de vos prières et permettez-lui de vous transformer radicalement. n'oubliez jamais que nous honorons Dieu en lui présentant nos besoins, même s'il les connaît déjà. En fait, il les connaît probablement mieux que nous. En les lui présentant, nous reconnaissons que toute bonne chose vient de lui, le Dieu souverain qui contrôle l'univers qu'il a créé. Comme il est écrit dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Cependant, il est possible que nous présentions une requête à Dieu qui ne soit pas conforme à son plan, même si cette requête n'est pas mauvaise en soi. Dieu nous révèle alors sa volonté et nous dispose à l'accepter. C'est pourquoi nous devons prier, même si Dieu a déjà décidé ce qu'il ferait de la situation que nous lui présentons. Nous devons prier même si Dieu ne modifie pas ses décrets, car sans prière, nous ne pouvons marcher par la puissance de l'Esprit et nous risquons, au contraire, de sombrer dans le péché et d'être totalement découragés. Pour marcher avec Dieu et avec puissance, il faut être connecté à lui. Dieu ne change pas d'idée parce que nous le prions. Cependant, il dispose nos cœurs afin qu'ils s'harmonisent avec son plan. Le ministère de Charles Stanley publie aussi un magazine appelé « En contact ». Dans cette publication mensuelle, vous dévorerez des articles sur des sujets pratiques concernant la vie chrétienne. Vous lirez par exemple des articles traitant de la rancune, dans lesquels vous apprendrez comment ne pas la laisser vous détruire, où vous trouverez des articles qui vous indiqueront comment vaincre la tentation. De plus, chaque édition contient une méditation quotidienne ou même des témoignages de foi de chrétiens qui expliquent comment ils se sont convertis ou combien Dieu les a bénis. Si vous désirez recevoir ce magazine mensuel, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour savoir comment l'obtenir. D'autre part, si vous avez vécu des expériences qui illustrent des vérités que Charles Stanley enseigne dans ses émissions, nous vous invitons à nous les raconter. Nous pourrions les utiliser dans des émissions, mais sans vous identifier. Vous pouvez nous les faire parvenir en utilisant notre section « Contacter » à partir de notre site web www.espoir.ca. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.